APF France Handicap en Loire-Atlantique, toujours mobilisée, la délégation du 44 continue de traiter l'actualité sous l'angle de la solidarité. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé. Est-ce que le système a été à la hauteur? Est-ce que nos soignants ont eu suffisamment de ressources? Nous avons posé toutes ces questions à Arnaud Guasguen, directeur d'établissements médico-sociaux pour APF France Handicap. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Donc non, il n'y a pas de plan de suppression d'emplois et la totalité des plans hospitaliers sont évidemment suspendus. Je le redis, il y aura un jour d'après aussi pour l'hôpital et pour la santé en général. Je suis Arnaud Guasguen, je suis directeur à APF France Handicap depuis 7 ans maintenant. Et je dirige plusieurs établissements et activités, essentiellement sur le 44. C'est un panel relativement large en termes d'activités, puisque ça va des SAD, avec un SAD qui intervient sur l'agglomération nantaise, une soixantaine d'usagers accompagnés, et jusqu'à deux établissements sanitaires, deux SSR. Alors, le retour à la normale, il n'est absolument pas long, on est dans une continuité, puisque l'ensemble de mes services n'ont pas fermé. Le SAD a maintenu une activité quasi constante, de façon remarquable, comme je l'ai dit. Le foyer était ouvert, mon IUM, l'IUM que je gère est resté ouvert, en accueillant en plus en présentiel des situations critiques, sous couvert de l'ARS, donc ça aussi c'était remarquable, alors que beaucoup d'IUM malheureusement ont fermé. Et les établissements sanitaires sont restés en lien, puisqu'on était dans la droite ligne de l'offre pour faire face au Covid. Alors on n'était pas censé être la première ligne, comme on appelle les SSR, puisque les services de réa étaient en première ligne, les CHU hein, forcément, les centres hospitaliers qui disposent de réa et de services de médecine, mais on était, nous, en backup, on va dire, et on a accueilli des patients Covid, essentiellement à Montfaucon. Les enfants étaient moins touchés, donc on n'a pas eu de cas à gérer sur les ESEAN, donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. On touche du bois parce qu'il y a encore des cas Covid, on a encore des personnes qui sont testées positives, on a l'impression que c'est en train de se calmer quand même, très nettement, on a moins de soucis de matériel, etc. aussi, ça c'est quand même primordial. Donc on va dire qu'on est plutôt dans la continuité sur les services que je gère, donc il n'y a pas eu de plan vraiment de reprise de continuité, si ce n'est la mise en place de procédures particulières pour accueillir les visites, les personnes extérieures, la remise en place de soins ambulatoires, de l'HDJ, enfin vous voyez, donc on a dû revoir les procédures dans le cadre du Covid. Donc ça s'est fait dans le cadre de cellules de crise, hein, puisque j'en chapeautais trois, je crois, pour l'APF France Handicap sur les deux départements. Et voilà, c'est recadrer nos procédures pour qu'elles soient conformes à ce qu'on attend de nous et de nos différentes structures. À date, les indicateurs, parce qu'on est le 10 juin, là, quand on parle, les indicateurs sont plutôt dans le sens qu'il n'y ait pas de seconde vague actuellement. Cela dit, le fait que le virus continue à circuler, il circule encore, puisqu'on a des chiffres, on a des cas de clusters, hein, même dans notre environnement immédiat, on n'est pas à l'abri, en effet, que ça reparte. Ça c'est plus qu'évident. L'avantage qu'on a par rapport au départ, c'est que on a un cadrage qui est beaucoup plus efficient au niveau de la structuration de l'offre de soins. J'entends par là surtout l'ARS, hein, mais également le pilotage au niveau du GHT. Et l'ARS qui n'était pas forcément une agence de gestion de crise, mais plus une agence de planification initialement. Et à mon avis, actuellement en ordre de bataille, alors qu'on a eu quand même beaucoup de difficultés au démarrage, au début de cette crise, un petit peu partout, chez tout le monde, hein, d'ailleurs, c'est pas pour le pire n'est pas acheté à l'ARS, mais elle s'est retrouvée un peu en tête de proue par rapport à ça. Donc on a un cadrage institutionnel qui permettrait de faire face. On a également davantage de matériel, même si on a des pénuries qui sont ailleurs, mais non plus au niveau des masques, mais au niveau des gants. Mais on a constitué des stocks qui nous permettront davantage de faire face. On va dire que si la deuxième vague arrive, ce qui est le plus inquiétant maintenant, c'est pas notre organisation en propre hein, de nos établissements, ni entre nous, puisqu'on les liens sont au clair avec les services d'aval, les services d'amont, etc. Ça risque d'être au niveau du personnel, puisque l'infirmier et l'aide-soignant, c'est plutôt à se former, on n'en a pas plus sous la main, et que actuellement on essaie de donner des vacances et des temps de repos à des professionnels qu'on a fait travailler en non-stop avec beaucoup d'heures sup. Pour faire face à cette crise, des annulations de vacances, etc. Donc de toute façon, il va falloir que mes équipes se reposent actuellement. Donc, on espère que la vague arrive un peu plus tard. Donc c'est voilà un bilan en deux teintes, on va dire. À mon niveau d'expérience en retour de crise, j'avais à la fois la partie sanitaire, mais également la partie maintien à domicile. Et là, je pense que c'est un ratage assez général, on va dire, de ce côté-là, d'une problématique qui est connue au niveau national, hein, au niveau de toutes les instances, cette problématique du maintien à domicile. Alors, je vais schématiser très très vite, mais en gros, on a fermé des lits, on a axé notre offre de soins sur l'ambulatoire, et on a demandé aux gens de rester chez eux, et il a bien fallu accompagner ces personnes qui soit étaient les personnes en situation de handicap, mais les personnes âgées également sont restées à domicile. Et avec un transfert de l'activité qui était pilotée peut-être par l'ARS, vers les conseils départementaux. Donc les SAD sont restés en première ligne et ont été complètement exclus de cette première phase, hein, au début de la crise du Covid. Les SAD n'étaient pas du tout en première ligne, alors que les soignants dans nos établissements, on était staffés, on avait des équipes sur site, on avait des médecins, on avait des cadres, on avait des infirmières, etc. Les SAD, ce sont des professionnels non formés, pour la plupart, hein, avec la grande majorité n'ont pas de diplôme, on a des difficultés, des salaires qui ne sont pas forcément très élevés, surtout des horaires coupés, des problématiques, peu de réunions d'équipe, puisqu'on est sur un coût horaire. Et ces professionnels-là se sont trouvés en frontal sur la prise en compte du Covid pour maintenir les gens à domicile. Vous imaginez que des personnes qui avaient des besoins fondamentaux, des besoins de se nourrir, des besoins de faire la toilette, des besoins de soins même, puisque les SAD pallient l'absence de prise en charge des SIAD sur la plupart des territoires. Les SIAD n'interviennent pas parce qu'ils n'ont pas assez de place, parce qu'ils n'ont pas assez d'aides-soignants et parce qu'on a une organisation qui n'est pas du tout incitative pour les SIAD à intervenir auprès des personnes en situation de handicap. À titre d'exemple, sur 60 usagers pris en charge par le SAD de l'APF sur l'agglomération nantaise, 50 pourraient bénéficier d'ordonnances de SIAD, et je pense qu'il n'y a même pas 5 personnes qui sont suivies par un SIAD sur le territoire. 2 SIAD interviennent sur Nantes agglomération, je parle vraiment que sur le centre de Nantes, hein. Ils sont en sous-activité du fait du manque d'aides-soignants. Donc on est sur des problématiques d'attractivité de poste sur des maintiens à domicile, parce que ce sont des horaires coupés, parce que c'est le stade de la PF, les collègues peuvent commencer à 7h et finir à 22h, parce que vous êtes seul, confronté, sans forcément formation, etc. Donc on a mis en œuvre tout un système de fermeture de lits en disant tout le monde va rester à la maison, mais sans être en capacité d'accompagner en fait ce changement-là ou cette volonté-là auprès de nos équipes, de structurer nos équipes. Selon vous, quel film fait la meilleure critique de l'hôpital ? Alors les meilleurs là-dedans, c'était les Monty Python. Donc, si tu refais dans le sens de la vie, je crois, la première partie, tu sais, où ils sont dans un immeuble, ils attaquent le monde de la bourse. Ouais. Et il y a même un extrait à l'hôpital de la fameuse machine qui fait bip. Dans le sens de la vie, tu regardes, je suis peut-être au bout de 20-25 minutes, t'as une partie, une critique du monde hospitalier. C'est des Anglais pourtant, mais ils ont une critique très, très fine. Yes, more apparatus, please, nurse. The EEG, the BP monitor, and the AVV. Yes, certainly, Doctor. And get the machine that goes ping! And get the most expensive machines in case the administrator comes. Et t'as la partie de la critique hospitalière où t'as le directeur de l'hôpital qui descend et qui lui rend une salle d'accouchement où t'as les médecins qui sont là et les médecins qui ont absolument pas besoin d'une machine qui fait bip. Ils disent à tout le monde attention, il est en train de descendre, sortez la machine qui fait bip, elle a coûté 300 milliards d'euros. Enfin, tu vois, j'étais là. Hein, et l'administrateur dit ah, je vois qu'il y a la machine qui fait bip, je suis super content alors qu'elle sert à rien. Enfin, tu vois, c'est l'aberration du système quoi. Alors, l'hôpital est en capacité de se réformer. Ce sont des énormes machines, mais on voit bien avec les effets, il y a tout dans un hôpital. On est sur la recherche, sur des nouvelles techniques opératoires. Et il y a quelque temps, une prothèse de hanche, la personne restait 3 semaines en convalescence à l'hôpital, mais non, c'est limite, il sort pas le soir même. Donc l'hôpital est en mouvement perpétuel. Donc une réforme hospitalière. Je pense que ça ne fait pas peur à grand monde sur les gestionnaires d'hôpitaux. Hein. Les équipes font face à ça depuis tellement longtemps. Si vous voulez, voyez, les nouveaux traitements, etc. Tout bouge dans l'organisation en permanence. La question qui va se poser, c'est quels sont les moyens qu'on va y mettre, surtout. Alors, on est sur... moi, j'ai connu cette évolution du métier. Je suis passé par rapport à tous les types de services. En étant jeune, je travaillais sur Paris, hein, dans les hôpitaux de la PHP, aux urgences, J'ai travaillé au bloc opératoire aussi sur la partie salle de réveil, notamment avec des infirmiers anesthésistes. Donc c'était le côté technique qui me plaisait énormément. Et au fur et à mesure de mon évolution de carrière, bon, j'ai pas exercé pendant très très longtemps parce que j'avais d'autres activités à côté, mais c'est un métier qui me plaît, qui m'a plu hein, énormément, dans lequel je me suis vraiment éclaté. Mais j'ai réorienté mon activité professionnelle après vers les SIAD et les activités de maintien à domicile et de coordination en fait relativement rapidement, et on voyait bien que c'était un des enjeux il y a déjà 20 ans, parce que j'ai travaillé il y a plus de 20 ans ou 25 ans que je travaillais dans, ouais, 20 ans quasiment, donc c'était un cheminement relativement long, et je vois que l'évolution du métier, malheureusement, ça me donne une impression d'inachevé, puisque on voyait à peu près les objectifs, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, hein, de maintien à domicile, d'améliorer la coordination. On parlait de notions de parcours dans lesquelles on parle encore, mais il y a 20 ans, tout le monde était axé déjà là-dessus, d'essayer de coordonner les médecins traitants, le lien avec la ville, avec l'hôpital, avec tous les services médico-sociaux. Et il y a forcément eu un ratage de ce côté-là, et un manque de pilote quelque part. Et ce n'est pas faute de volonté de la part de nos instances tutélaires, puisqu'il y a eu énormément de choses. C'était des points qui ont été remontés à chaque fois, mais on n'a jamais su réussir à complètement cadrer cet aspect-là. Le plan Alzheimer, par exemple, avait mis en place les Maya pour essayer de faire des gestions de cas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de services qui assurent la coordination. Nous, par exemple, le SAMSA de l'APF assure la coordination. Mais on en arrive à se poser la question, par exemple, qui doit coordonner lorsqu'il y a des co-interventions SAMSA-SIAD. Les clics maintenant veulent reprendre un rôle important sur une volonté du conseil départemental, mais avec très peu de formation sur la particularité du handicap. La MDPH qui n'arrive malheureusement pas et qui répond pas du tout à cette demande-là. Je rejette la faute sur personne, mais on voit bien qu'il y a une grosse, grosse difficulté de cet ordre-là, et c'est ce qui a certainement aussi manqué au niveau de cette crise. Et on est plus fonctionné sur des conventionnements inter-établissements ou interpersonnels. Nous, ça a été un avantage certain d'avoir d'excellentes relations avec le CHU de Nantes. On est intégré au GHT depuis l'année dernière en tant que partenaire. On a des relations en direct avec le CHU, on a intégré le parcours, mais également avec le CH de Cholet pour le SSR de Montfaucon. Mais on a manqué d'une coordination massive. J'en parle qu'à mon niveau, mais on voit bien ce qui avait été mis en exergue aussi dans le Grand Est, le fait que les hôpitaux, les CHU se sont trouvés débordés alors que les cliniques, du coup, avaient des places vacantes. Après, les relations, on a voulu, dans nos relations du système de santé, gérer les cliniques, c'est reste du privé lucratif, donc par voie de concurrence. Hein, donc il y a des concurrences, les cliniques privées vont chercher des chires au CHU, des Bauches du Monde, font des recherches de patients, etc. Et c'est très compliqué de mettre des personnes qui se retrouvent en concurrence directe autour de la table pour dire qu'à un moment, il faut qu'on travaille ensemble. Vous voyez, c'est toute cette... Voilà, on est sur deux paradigmes différents qui ont beaucoup de mal à se coordonner. En étant privé associatif, nous, on a réussi à s'intégrer parfaitement au niveau dans la filière du CHU de Nantes. On est plutôt sur une phase de concertation actuellement au niveau du Ségur, hein, qui est demandée. Après, c'est toujours pareil. La seule question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va sortir de là. S'il y a beaucoup de contributions et que, en fin de compte, tout est déjà écrit, ça ne sert pas à grand-chose. Mais on voit bien sur les quatre grands thèmes qui sont nommés, je pense que vous... Alors, si, je vais peut-être les reciter, parce que s'il y a des personnes qui écoutent ne sont pas forcément au fait de ce qui est posé comme pilier, puisqu'ils appellent ça des piliers. Le pilier numéro un, c'est transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent. On voit bien, on en parlait un petit peu hein, sur ces rôles de coordination générale et puis cette intégration au système de parcours de santé, et de santé et puis de vie d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas ne penser que via la RS. L'avantage de ce Ségur, c'est qu'ils intègrent quand même la possibilité de faire figurer les SAAD et non des auxiliaires de vie, donc des financements du conseil départemental et pas de la RS dans le questionnaire. Donc on voit bien qu'il y a de toute façon un enjeu là-dessus. Donc la transformation des métiers, elle est évidente. Quand on voit qu'on remplit plus les écoles d'aides-soignantes faute de candidats, ça pose quand même énormément de questions pour l'avenir. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, mon urgence, c'est de faire en sorte que mes équipes se reposent maintenant et on ne trouve plus de professionnels de santé. C'est bien compliqué. Et la revalorisation de ceux qui soignent, moi, pour avoir été infirmier, alors ça ne regarde que moi, hein, mais on était davantage à demander des moyens ou de ne pas travailler forcément seul sur des unités ou des doubles unités où on avait 20 patients à suivre. Déjà, en termes de sécurité, on était toujours mieux à être deux infirmiers du moins à proximité. Mais moi, à l'époque, avec la plupart des collègues avec qui je travaillais, on était plus à demander un renfort d'équipe plutôt qu'à avoir une revalorisation salariale, en vrai. Donc, il y a un énorme manque déjà de ce côté-là. Au préalable, vous voyez, on était sur une absence. On va dire, c'était mon analyse, mais dans le milieu des années 90, le fait qu'il n'y ait plus d'infirmiers ou limiter les écoles dans les IFSI, ça a facilité la fermeture de certains hôpitaux. Et j'ai connu, moi, des syndicats qui venaient même nous solliciter, alors j'étais infirmier, hein, pour qu'on pousse la direction à faire fermer des unités. Donc on avait même des syndicats qui demandaient à fermer des lits, faute de moyens humains. Donc ça a pensé si, vous voyez, la pénurie de moyens humains n'a pas permis en fait, d'activer la réforme de l'hôpital. Il fallait de toute façon une réforme de l'hôpital. On n'avait pas le but n'était pas de vivre avec des structures hospitalières comme on pouvait connaître dans les années 80, 70, ou avec des salles, des salles où il y avait plusieurs lits. C'est pas le but. Mais l'hôpital de demain sera probablement, il devra se penser modulable. On voit bien là, ce qui a été recherché, c'était la possibilité d'augmenter le nombre de lits de réa, donc qu'on puisse constituer après une réserve foncière de nos hôpitaux qui permette d'avoir des extensions de lits en cas de besoin, de réduire, de les transformer en hôpital de jour, etc., et d'assouplir au moins ces autorisations. Je pense qu'il faut aller vers ça et laisser les directeurs avec les médecins, hein, des structures, être en capacité de moduler cette activité-là au regard du besoin. Vous voyez, on est très structuré, c'est-à-dire qu'il y a 55 lits, il faut que les 55 lits soient pleins, par exemple, notre structure, c'est ce qu'on gère par exemple à Isère, ou 43 lits, on nous parle de taux d'occupation, etc. Il aurait été plus judicieux d'avoir certes cette dotation, des modalités de financement qui évoluent, hein, comme tout le temps, mais de pouvoir répondre de manière ponctuelle par de l'HDJ, par intégrer des personnes sur nos sites, nos plateaux techniques. Excusez-moi, je bégaye un peu. Vous voyez, on a les plateaux techniques, on a les personnes qui pourraient bénéficier des kinés de l'extérieur, etc. Donc, il faut qu'on assouplisse ces conditions d'entrée au niveau de l'hôpital encore, je pense, et qu'on puisse être beaucoup plus souple dans notre gestion. On est à APF France Handicap, de toute façon, axé depuis longtemps, et on a œuvré aussi dans ce sens à la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes. On a un enjeu qui est très important, hein, au sein de l'association. Les personnes en situation de handicap, contrairement, probablement, il y a des chiffres, hein, qui le prouvent, contrairement à il y a un siècle, vivent aussi longtemps que tout le monde, quasiment maintenant. Et on se retrouve dans nos structures, ce qui est le cas d'ailleurs à Nantes, hein, sur la structure que je peux gérer, avec des personnes qui ont plus de 60 ans et qui sont encore prises en charge dans le secteur du handicap et qui devraient basculer dans le secteur des personnes âgées, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et de toute façon, non sans le fait de parler. Puisque si la question qui est sous-jacente à ce que vous me dites, c'est comment on va financer ça? Est-ce qu'on va l'inclure dans le plan de la sécurité sociale, etc. Mais la problématique, elle est réelle. On a deux barrières en fait dans notre système actuellement. C'est la barrière des 20 ans. Les enfants sous de 20 ans en situation de handicap sont pris en charge par l'ARS, après 20 ans par le CD. Alors vous imaginez les problèmes de pont, d'offre de service et tout, c'est relativement catastrophique. Et après 60 ans, c'est pareil. Les personnes dans nos foyers doivent basculer probablement sur des EHPAD qui ne sont pas du tout en capacité de prendre en charge les personnes en situation de handicap. Je revenais sur les SIAD tout à l'heure, même à domicile, on a exactement la même problématique. On a des dotations plus importantes sur les foyers, mais typiquement à l'APF, les personnes qu'on prend dans notre foyer de vie nécessitent quasiment tous des soins d'hygiène à deux, en doublure, et peuvent durer plus d'une heure. En EHPAD, quand vous avez trois aides-soignantes pour gérer 40 résidents, si vous avez un afflux massif de personnes qui ont des besoins de soins aussi importants, les services, l'établissement ne sont pas en capacité, n'ont pas les ressources humaines pour répondre à ça. Donc il y a de toute façon un lien, on parlait des parcours tout à l'heure, mais à se re-questionner également, donc au-delà, oui, du Ségur de la santé, puisqu'il faudrait bien inclure le médico-social, des questions à se poser sur ces âges, sur ces frontières-là.